Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, on part à la découverte du rôle de la SACEM. Une émission donc co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. En forme ? Ah mais oui, comme toujours. Alors, bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors la SACEM, vous en avez forcément entendu parler un jour ou un autre. La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une société qui possède une place très importante au sein de l'industrie de la musique. C'est l'une des plus importantes sociétés de gestion collective des droits d'auteur au monde. Elle permet à de nombreux artistes de pouvoir vivre de leurs œuvres en redistribuant les droits collectés. Chaque année, la SACEM reverse près d'un milliard de droits aux créateurs. Cependant, son fonctionnement peut paraître flou pour les artistes ainsi que pour le grand public. On va donc tenter d'être le plus clair possible aujourd'hui, Francine, avec notre invité Sébastien Aiguier, qui est directeur territorial Lorraine de la SACEM. Bonjour Sébastien Aiguier. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Francine, avant d'engager la conversation avec Sébastien Aiguier, un petit rappel historique sur l'histoire de la SACEM. Alors oui, Jérôme, il fut un temps où les artistes dépendaient des pensions attribuées par de généreux mécènes. Celui qui payait pouvait posséder. Et en 1777, Beaumarchais, surnommé le père du droit d'auteur, crée la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Néanmoins, la musique n'a pas sa place. Elle est un art bien trop mineur. Ce n'est qu'en 1847, soit plus de 50 ans après les premières ébauches d'une loi encadrant le droit d'auteur, que l'attention est portée sur la musique. Le compositeur Ernest Bourget est au café brasserie des ambassadeurs sur les Champs-Élysées lorsqu'il refuse de payer l'addition. Mais pourquoi payer son café alors que le restaurateur fait chanter ses musiques dans son café sans compensation? C'est ainsi qu'un compositeur agacé a fait changer les choses en portant plainte et en ressortant gagnant du procès du 8 septembre 1847. Il faudra attendre le 31 janvier 1851 pour que la SACEM soit officiellement fondée. Et aujourd'hui, la SACEM représente plus de 200 000 membres créateurs et éditeurs de musique et un répertoire mondial de 166 millions d'œuvres. Et chaque année, ce sont plus de 3 millions d'œuvres nouvelles qui sont déposées dans le monde. Eh bien, merci Francine pour ce petit rappel historique. Alors, Monsieur Aiguier, avant de découvrir avec plus de précision les principales missions de la SACEM, première question, comment êtes-vous arrivé à la SACEM ? Eh bien, après une première expérience dans le domaine de l'intermédiation bancaire, je souhaitais changer d'environnement professionnel. Nous étions en 2005 et le meilleur moyen de trouver un emploi, c'était de consulter les petites annonces dans le quotidien régional. C'est ce que j'ai fait et je suis tombé sur une annonce de la SACEM. Je me suis dit que travailler au service des créateurs de musique était une belle opportunité, qu'il fallait saisir. C'est ce que j'ai fait. 18 ans après, je n'ai vraiment aucun regret. Et donc, petite question que l'on pose désormais à tous nos invités. Quel est l'un des plus beaux moments professionnels que vous avez rencontrés? Alors, c'est toujours très difficile de ne citer qu'un seul beau moment. En 18 ans de carrière, ils sont nombreux, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est cette période après 4 ou 5 ans dans l'entreprise où on m'a demandé de participer à la formation des équipes du réseau régional lors de l'arrivée d'un nouveau logiciel informatique pour la gestion de nos clients. Et ça m'a permis de rencontrer de nombreux collègues travaillant un peu partout en France et de créer des liens forts avec mes collègues formateurs. Et puis, j'ai pu, dans ce cadre-là, découvrir la Guadeloupe puisque je suis allé former l'équipe de la SACEM sur place. Très bien, ça. Et donc, l'un des moments les plus difficiles? Alors là, je pense forcément à cette période de crise sanitaire que nous avons vécue et qui a, comme vous l'imaginez, eu un impact fort sur les créateurs et éditeurs de musique et donc sur leur société qui est la SACEM. Les premières mesures qui ont été prises par l'entreprise, notamment de chômage partiel, n'ont pas été suffisantes et nous avons dû recourir à un plan de départ volontaire. Alors il n'y a pas eu de licenciement, les personnes qui ont quitté l'entreprise l'ont fait pour anticiper leur départ en retraite ou concrétiser un nouveau projet professionnel, mais c'est quand même toujours triste de voir partir des collègues avec qui vous avez partagé de nombreuses expériences professionnelles. Très bien, alors essayons maintenant d'éclairer au mieux nos auditeurs, dont certains sont peut-être des artistes souhaitant protéger leurs œuvres. Alors, quelles sont les principales missions de la SACEM, M. Aiguier ? Alors, nous avons trois missions essentielles. La première, c'est certainement la plus connue, et c'est de collecter et répartir les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dès que leurs œuvres sont diffusées ou reproduites sur un support, comme le vinyle par exemple. Ensuite, nous veillons à protéger et défendre nos membres, donc leurs droits, leurs intérêts, notre répertoire. Nous leur apportons un grand nombre de services de plus en plus performants via notamment leur accès réservé sur notre portail ou dans le cadre d'un programme qui s'appelle SACEM Plus et qui est une plateforme qui permet à nos membres de bénéficier de réductions auprès de partenaires, d'échanger entre eux, de bénéficier de formations en ligne, de trouver des lieux où se produire en concert, etc. Et enfin, notre troisième mission, c'est de promouvoir et soutenir la création via notre action culturelle. Cette mission est moins connue, mais elle est tout aussi importante car elle nous permet d'accompagner nos membres à travers différents programmes d'aide qui leur sont soit directement destinés, aide pour autoproduire un album par exemple, soit destinés aux acteurs de la filière qui permettent la diffusion de leurs œuvres, comme par exemple les salles de musique actuelles ou les festivals. Alors si on revient sur la fonction la plus connue, hein, celle de la collecte donc, et de la répartition des droits d'auteur, alors est-ce que cette collecte des droits se fait uniquement sur le territoire national ? Alors, tout dépend du type de diffusion. Pour les concerts, les spectacles, les diffusions musicales en fond sonore dans les commerces, à la radio, là, effectivement, la SACEM collecte les droits sur le territoire national. En revanche, les règles sont différentes pour les diffusions en ligne, sur Internet. Là, nous collectons les droits auprès des plateformes pour le monde entier et pour tous ceux qui nous ont confié la gestion de leurs droits online, c'est-à-dire nos membres, évidemment, mais aussi certains grands éditeurs internationaux et même des sociétés d'auteurs, comme la Société d'auteurs canadienne, par exemple. Et dans quel domaine intervient la SACEM ? La musique est partout autour de nous, et nous intervenons donc auprès de diffuseurs très variés. Ça peut être une association qui organise un repas en musique, un restaurant, un salon de coiffure, un magasin où sont diffusées des œuvres musicales en fond sonore, ou encore une discothèque, un bar de nuit, un producteur qui organise une tournée qui passe par le Zénith. C'est d'ailleurs ce qui rend le métier intéressant. Nous sommes en relation au quotidien avec des interlocuteurs très variés. Alors, qui dirige actuellement la SACEM ? Alors, la SACEM, elle fonctionne comme une coopérative. Elle dispose d'un conseil d'administration qui est composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs qui sont élus par les membres de la SACEM lors de l'Assemblée générale. D'ailleurs, cette année, l'Assemblée générale se tiendra le 20 juin. Et actuellement, le président du conseil d'administration est le compositeur Serge Perratonner, qui a notamment accompagné en studio sur scène de nombreux grands artistes de la chanson française et qui a également réalisé des arrangements de comédies musicales comme Notre-Dame de Paris, par exemple. Donc ce conseil d'administration nomme ensuite celui ou celle qui va gérer la société au quotidien, et c'est Cécile Rapp-Weber qui occupe le poste de directrice générale gérante de la SACEM depuis le mois d'octobre 2021. Auparavant, elle était directrice des licences de l'international et des opérations au sein de l'entreprise. Et donc, qui sont les membres de la SACEM ? Alors, comme son nom l'indique, la SACEM regroupe des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. Alors, les auteurs écrivent des textes. Hein. Nous avons évidemment à la SACEM de nombreux auteurs de paroles de chansons, mais pas seulement, puisqu'il est aussi possible de déposer des poèmes, des textes de doublage ou de sous-titrage, ou encore des sketchs pour les humoristes. Nos membres, ils sont également compositeurs, donc ils composent de la musique dans tous les genres. Hein. Ça va de la chanson au jazz, en passant par la musique contemporaine ou encore l'électro, les musiques urbaines, mais également la musique pour l'image, des films, des publicités. Et enfin, les éditeurs, dont le rôle est souvent moins connu. Hein. L'éditeur, lui, il accompagne la carrière des auteurs et des compositeurs et il assure la promotion des œuvres, parce que la plus belle des œuvres, si elle reste dans le tiroir ou sur le disque dur de son auteur, ça n'a pas grand intérêt. Donc le rôle de l'éditeur est justement de faire connaître l'œuvre au public en la proposant à des interprètes, à des réalisateurs de films, etc. Et comment s'organise la SACEM au niveau du territoire national ? Alors notre souhait, c'est d'être au plus près de nos membres, de nos clients diffuseurs de musique, mais aussi des différents acteurs de la filière musicale. Et pour ça, nous disposons d'un maillage territorial dense qui est composé de plus de 60 sites. Et par exemple, en Lorraine, nous sommes présents à Nancy et à Metz. Alors si j'ai bien compris, vous avez dit que les membres de la SACEM, c'est les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc concrètement, pour pouvoir prétendre percevoir des droits, il faut donc au préalable être membre de la SACEM. C'est exactement ça. Il faut être membre de la SACEM pour pouvoir bénéficier du versement de droits d'auteur. Alors s'il y a des artistes qui nous écoutent, alors est-ce que vous pouvez expliquer comment on devient justement membre de la SACEM ? Eh bien c'est très simple. Il suffit pour ça d'avoir créé une œuvre et de justifier d'un début d'exploitation de cette œuvre. Alors, il existe plusieurs façons de justifier du début d'exploitation de l'œuvre, comme par exemple une copie écran de la publication de votre œuvre sur une plateforme type YouTube ou Facebook. Pour ces plateformes qui sont des plateformes de contenu publié par les utilisateurs, on demande un minimum de 1000 vues. En revanche, si l'œuvre est présente sur une plateforme de streaming, comme Deezer ou Spotify, une simple copie écran permet d'adhérer, peu importe le nombre de streams. Et on peut aussi justifier du début d'exploitation d'une œuvre en joignant la copie de la jaquette d'un album sur lequel l'œuvre est présente, ou encore une attestation de diffusion en concert, en radio. Et voilà, l'adhésion se fait ensuite en quelques minutes en ligne sur SACEM.fr et les frais d'adhésion représentent 100 euros pour un créateur. Et ce montant est à régler, bien sûr, une seule fois. Lors de l'adhésion, on est ensuite membre de la SACEM à vie. Très bien pour ces précisions. Alors, après la première pause musicale, on abordera le mode de rémunération justement des auteurs. Alors donc, il y a une tradition dans l'émission, Monsieur Hegué, c'est de vous demander de choisir donc deux chansons musique coup de cœur. Alors, quel a été votre premier choix musical? Tout d'abord, je voudrais vous faire part des difficultés que j'ai rencontrées pour ne choisir que deux chansons. Mais puisque nous sommes dans une émission dont le thème est l'économie, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'écouter une chanson qui met en lumière les femmes et les hommes qui vivent un peu en marge du monde économique et qui sont appelés dans la chanson de Mano Solo, Les Habitants du Feu Rouge. Eh bien, très bien, on retrouve donc tout de suite votre premier coup de cœur, dont Mano Solo, Les Habitants du Feu Rouge. Sans port ni belles histoires, les seuls embruns sur leur visage sont ceux du dédain sur leur passage. Du feu rouge bouge quand tout le monde s'arrête, à contre-courant dans un monde en mouvement, un peu de répit dans la vitesse du mépris. Le verre est leur ennemi quand il libère les gens d'une réalité de la vie, de ces hommes qui toutes les trois minutes montent sur scène en espérant fort pour les voir, pour les voir. Les habitants du feu rouge, les habitants du feu rouge n'ont plus qu'une main qui bouge. Les habitants du feu rouge n'ont plus qu'une main qui bouge. Voilà, c'était Mano Solo, Les Habitants du Feu Rouge, le premier coup de cœur de notre invité Sébastien Hegué. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Écho donc Sébastien Hegué, directeur territorial de la SACEM. Dans la première partie, on a parlé un peu d'histoire et d'organisation de la SACEM. Alors abordons maintenant les modalités de la collecte des droits d'auteur. Alors première question, comment les revenus des auteurs, compositeurs, éditeurs sont-ils collectés, Monsieur Hegué? Alors, nous collectons les droits d'auteur auprès de tous les diffuseurs de musique. Pour cela, nous concluons des contrats avec ces diffuseurs. Ça va de la musique diffusée dans la salle d'attente d'un médecin aux droits liés à la prestation live d'un artiste dans le cadre d'un festival, par exemple. Il est d'ailleurs important de rappeler que les créateurs, auteurs et compositeurs que nous représentons ne sont pas toujours les artistes que vous voyez sur scène ou à la télé. Lorsqu'ils ne sont pas interprètes, leur seul revenu, ce sont leurs droits d'auteur. Ils ne sont pas intermittents du spectacle. Alors pour ce qui est du montant des droits, la SACEM établit tous ses barèmes en concertation avec les représentants des diffuseurs de musique. Ça peut être une fédération d'associations, un syndicat professionnel par exemple. Et le principe de base, c'est la progressivité des tarifs en fonction du service rendu par la musique. Il est évident qu'un magasin qui diffuse de la musique en fond sonore ne paiera pas le même montant de droits qu'une discothèque pour laquelle la musique est au centre de l'activité. Donc tous nos barèmes sont publiés sur notre site et sont accessibles à tous. Alors soyons concrets, prenons l'exemple de notre radio, Radio Fadjet. Alors comment sont calculés les droits à vous reverser ? Alors pour les radios locales associatives comme Radio Fadjet, les droits sont calculés par application d'un pourcentage sur les charges de la radio après déduction de certaines charges et le taux qui est appliqué est de 5%. Et donc ensuite, que deviennent les droits collectés par la SACEM ? Alors, la finalité de nos actions, c'est de permettre aux créateurs de vivre de leur travail. Je rappelle que la SACEM, c'est une société à but non lucratif, elle ne fait pas de bénéfices. Et plus de 85% des sommes que nous collectons sont donc réparties aux créateurs. Les 15% qui restent permettent de couvrir les frais liés à la gestion de la structure, rémunération des salariés, bureaux, investissements informatiques, etc. Et donc, je suppose que vous utilisez des règles de répartition précises. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Oui, alors effectivement, nous utilisons des règles de répartition précises, puisque notre souhait, c'est de répartir le plus précisément possible les droits collectés aux créateurs dont les œuvres ont effectivement été diffusées. Donc, il faut savoir que 85% des droits répartis le sont selon l'exploitation réelle des œuvres. C'est le cas des télé et radios d'audience nationale, des concerts, des cinémas, des plateformes Internet. Donc, tous ces diffuseurs nous remettre le programme des œuvres diffusées. Si on prend l'exemple des concerts, ça concerne aussi bien le concert organisé dans un village par une association que celui organisé par un producteur professionnel au Zénith de Nancy. Et les 15% restants concernent des diffusions pour lesquelles il serait trop compliqué pour les diffuseurs de nous remettre des relevés précis de diffusion et trop coûteux aussi pour nous de traiter ces relevés compte tenu des sommes en jeu. Et donc pour un peu plus de la moitié de ces droits, la répartition s'effectue par sondage. On peut prendre l'exemple des discothèques et des bars ambiance musicale pour lesquels nous faisons appel à un prestataire pour effectuer des relevés de diffusion auprès d'un panel représentatif d'établissements établis par un institut de sondage. Et donc toutes les œuvres diffusées dans ces établissements créent une sorte de playlist géante sur laquelle sont affectés tous les droits collectés auprès de ces établissements. Et pour le reste, donc on parle là d'environ 7% des droits collectés, eh bien la répartition est opérée par habitude de consommation ou analogie. Ça va être le cas de la diffusion de musique de sonorisation dans les établissements tels que les magasins, salons de coiffure, cafés-restaurants. Donc à titre d'exemple, s'ils diffusent la télé ou la radio, eh ben nous répartirons les droits conformément au programme remis par ces médias. Alors en 2022, si ce n'est pas confidentiel, est-ce qu'on peut savoir quel est l'artiste qui a reçu le plus de droits ? Alors je ne pourrais malheureusement pas vous donner cette information dont je n'ai à mon niveau tout simplement pas connaissance. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque année, la SACEM remet des grands prix pour récompenser des artistes qui, d'une manière ou d'une autre, ont marqué l'année écoulée. En 2022, par exemple, Scred, qui est le compositeur d'Orelsan, a reçu le grand prix SACEM de la chanson française en tant que créateur. November Ultra a reçu le prix de la révélation. Juliette Armanet, le prix de la chanson de l'année pour le dernier jour du disco. Et nous avons d'ailleurs, j'en profite pour le dire, en 2022, lancé un jeu concours qui a permis à plusieurs clients, dont une commerçante de Metz qui diffuse de la musique dans son établissement, d'être invitée à la cérémonie de remise des Grands Prix en présence d'artistes tels que Clara Luciani, Orelsan, Nino, etc. Et donc, pour les artistes des années 70-80 dont les titres sont encore diffusés, est-ce que les revenus perçus, sont encore conséquents ? Bien, les créateurs sont rémunérés en fonction de la diffusion de leurs œuvres. Donc, plus une œuvre est diffusée, plus ces créateurs sont rémunérés. Les œuvres des années 70 ou 80 qui sont encore diffusées génèrent effectivement encore des droits puisque c'est seulement 70 ans après la mort de son créateur qu'une œuvre entre dans le domaine public. Dans ce cas, la diffusion de l'œuvre ne génère plus de droits d'auteur. Alors, si je souhaite concrètement organiser une manifestation où de la musique sera diffusée, il faut donc, si j'ai bien compris, vous contacter. Et pouvez-vous m'en dire un peu plus sur mes obligations vis-à-vis de la SACEM ? Alors la loi prévoit que les créateurs doivent être rémunérés dès que leurs œuvres sont diffusées publiquement ou reproduites sur un support. Et il existe un seul cas d'exonération au paiement des droits d'auteur, c'est lorsque les diffusions sont à la fois gratuites, privé est donné dans le cadre du cercle de famille. Donc on parle là de mariage, anniversaire, fête de famille notamment. Et donc dès lors que vous diffusez des œuvres musicales en public et que votre manifestation ne répond pas à ces critères, il vous faut obtenir l'autorisation des créateurs représentés par la SACEM. Et pour ça, bah, rien de plus simple, hein. Toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne sur notre portail sacem.fr. Mais vous pouvez bien sûr également nous contacter par téléphone ou nous rendre visite si vous avez besoin d'informations complémentaires. Très bien. Alors après la deuxième pause musicale, on abordera donc la dernière partie de l'émission. Donc c'est la question donc du développement du numérique et du streaming. Alors monsieur Méguier, pouvez-vous maintenant nous préciser votre deuxième chanson coup de cœur ? Alors là, j'ai choisi le morceau Crisis de Bob Marley. C'est pas le morceau le plus connu de Bob Marley, mais je l'ai choisi parce que c'est un des premiers morceaux de reggae que j'ai écouté. Parce que pour la petite histoire, je devais avoir 10 ou 11 ans et suite à un déménagement, nous sommes arrivés dans une nouvelle maison qui était bah, évidemment vide, hein, ou presque, puisque les précédents occupants avaient tout déménagé, sauf une chose, ils avaient oublié lors de leur déménagement une cassette audio. Et cette cassette, c'était l'album Kaya de Bob Marley. Donc, c'est donc complètement par hasard que j'ai découvert le reggae et Bob Marley. Et depuis, même si mes goûts musicaux sont vraiment très éclectiques, bah, j'écoute toujours avec grand plaisir des morceaux de reggae. Eh bien, on va retrouver donc Bob Marley. Voilà, c'était Crisis, donc Bob Marley, c'était le deuxième coup de cœur de notre invité, donc Sébastien Aiguier. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'Instant Écho, et nous accueillons pour cette émission donc Sébastien Aiguier, directeur territorial de la SACEM. Alors on en sait un peu plus maintenant sur les principales missions de la SACEM, sur les modalités de collecte et de répartition des droits. Alors simplement, depuis quelques années, les modes d'écoute des Français ont évolué avec le succès des plateformes de musique. Alors comment fait la SACEM pour connaître justement les œuvres diffusées sur Internet, monsieur Aiguier ? Bien là, la SACEM fait figure de pionnière, hein, parmi les sociétés d'auteurs pour la gestion des données d'exploitation des œuvres en ligne, puisque nous avons développé une plateforme qui est nommée U-Rights en partenariat avec IBM, qui nous permet de gérer les droits en provenance des acteurs du online. Ça va de l'identification des œuvres jusqu'au calcul de la répartition. Et cette plateforme est d'ailleurs utilisée par d'autres sociétés d'auteurs à travers le monde. Il faut savoir quand même que le volume des données à traiter issues des diffusions numériques sont colossaux et connaissent une croissance exponentielle, hein, puisqu'en 2021, la SACEM a traité 170 000 milliards d'actes de streaming et de téléchargement, et c'est 80 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais c'est énorme. Hein. Ouais, quand un artiste sort un album, soit j'achète physiquement l'album, soit je le télécharge sur une des plateformes, va-t-il percevoir la même rémunération ? Eh bien non, et c'est d'ailleurs une des problématiques à l'heure actuelle, hein, c'est que les œuvres musicales n'ont jamais été autant diffusées qu'aujourd'hui, notamment via les services de streaming. Mais pour un créateur, bah, il est très difficile de vivre de son travail. Pour vous donner un exemple concret, 1 million de streams sur une offre de streaming gratuite financée par la publicité ne rapporte que 50 euros au créateur, et je parle là de créateurs au pluriel, puisqu'en moyenne, ils sont 4 sur une œuvre à se partager cette somme. Et donc cette somme va avoisiner les 2000 euros lorsqu'il s'agit de streaming payant par abonnement, mais ça reste insuffisant, d'autant que l'offre gratuite est la plus utilisée et que les créateurs dont les œuvres atteignent le million de streams ne sont pas très nombreux. Oui, c'est pas évident effectivement pour vivre de son travail. Alors pour terminer, revenons sur une autre grande mission de la SACEM, hein, qui est un peu moins connue, à savoir donc stimuler la création musicale. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus, quelles sont les principales aides proposées donc par la SACEM dans le cadre de l'action culturelle? Alors c'est une mission souvent moins connue effectivement du grand public, mais qui est très importante pour nous. Et là, notre objectif, c'est d'accompagner nos membres à toutes les étapes de leur carrière. Donc, quand ils démarrent, avec notamment le dispositif qui s'appelle Tous en Live et qui encourage nos clients, cafés, restaurants et même bars ambiance ou discothèques à organiser des concerts en leur versant une aide pour ça. Et ça permet à des artistes locaux de se produire devant de nouveaux publics. Et puis pour ceux qui auraient du mal à trouver un artiste ou pour les artistes qui cherchent des lieux où se produire, on a lancé un service, SACEM Connect, qui fait le lien entre les membres et nos clients. Donc les créateurs peuvent y trouver des établissements qui organisent des concerts et les établissements peuvent trouver des artistes qui souhaitent se produire sur scène. Ensuite, on accompagne de nombreuses salles de musique actuelles, hein, comme L'Autre Canal à Nancy, pour tout le travail qu'elles mènent auprès des jeunes créateurs qui tentent de se professionnaliser et qui accèdent à des studios de répétition ou d'enregistrement et qui peuvent se produire sur scène. Et puis, lorsqu'un auteur-compositeur souhaite enregistrer son premier ou deuxième album, eh bien, il peut faire une demande d'aide auprès de nos services et nous soutenons chaque année plus de 100 projets d'albums autoproduits au niveau national avec une aide financière qui va de 6 000 à 10 000 euros par projet. Et puis, enfin, nous accompagnons aussi des festivals, hein, qui permettent à nos jeunes membres de se produire en première partie d'artistes nationaux, voire internationaux. Je peux citer ici NJP à Nancy, le JDM à Toul ou encore Oberlin Musique Électronique qui ont été soutenus l'année dernière. Et en 2022, ce sont 42 projets qui ont été soutenus sur le territoire de notre direction territoriale de Lorraine. Donc des festivals, des salles, des résidences d'artistes, des projets d'éducation artistique, etc. Et de nombreux programmes d'aide sont disponibles pour toutes les esthétiques musicales. Et bien, pour faire une demande, c'est très simple, il suffit de se rendre sur notre site à la rubrique Aide au projet. Et donc concrètement, un jeune artiste qui veut se lancer, quelle démarche doit-il entreprendre vis-à-vis de la SACEM ? Eh bien, dès qu'il remplit les critères que nous avons évoqués tout à l'heure, il peut adhérer à la SACEM directement sur notre portail sacem.fr. Il aura ainsi accès à tous les services que nous proposons et il pourra vivre de son travail lorsque ses œuvres seront diffusées. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore justifier d'un début d'exploitation de leurs œuvres, mais qui souhaitent quand même protéger leur création, eh bien, nous avons lancé il y a quelques mois un nouveau service appelé Music Start, qui leur permet en quelques clics de protéger leur texte ou leur musique via un certificat valable à vie et inscrit dans une blockchain. Il existe deux formules, donc un paiement à l'acte 3,99€ pour protéger une œuvre et une offre illimitée à 4,99€ par mois. Et ça permet donc très simplement, avant même d'être membre de la SACEM, de protéger ses œuvres. Eh bien, merci Monsieur Aiguier pour toutes ces précisions. J'espère que désormais nos auditeurs auront une idée plus précise donc, du rôle de la SACEM. Monsieur Aiguier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page donc, de Radio Fadjet, nous faire donc, des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Eh bien, Francine, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Mais tout à fait, Jérôme. Très bien. D'ici là, donc, n'oubliez pas donc, de rester fidèle à Radio Fadjet.